Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules. Jusqu'à 14h, bonjour, c'est Alain Marchal. Jusqu'à 14h, les grandes gueules avec tout à l'heure à 13h, Pascal Nègre, le président d'Universal. Ça tombe bien qu'on ait Pascal Nègre, la Starac. Démarre ce soir, c'est d'ailleurs parce que la Starac démarre ce soir que Pascal Nègre est avec nous. Alors justement, cette Star Academy, ces artistes en herbe, est-ce que vous attendez ça avec impatience? Rendez-vous avec le sieur Nègre au 3216 ou par internet rmcinfo.fr tout à l'heure. Bonjour Olivier Truchot. Bonjour Alain, bonjour à tous qui sont nos grandes gueules aujourd'hui. Ah, Karim, l'appel. Oui, bah Karim Zeribi est là. Bonjour Karim. Bonjour. Président du club de réflexion politique Société Démocratie. Avec nous, le sociologue et écrivain Alain Soral. Bonjour Alain. Bonjour. Et puis Jacques Maillot, président d'Eurotunnel. Salut Jacques. Salut. Ça me fait le conseil d'administration d'Eurotunnel. Oui, absolument. Je ne vais pas le répéter chaque fois que je suis à RMC. Je regardais Jacques Maillot arriver ce matin. Oui. Je regardais bien Jacques. Et parce que ça m'a amusé ce matin dans l'ascenseur, Olivier. Genre, puisque je suis arrivé quelques minutes avant vous, dans l'ascenseur de l'immeuble RMC, j'ai croisé deux personnes en Bermuda. Enfin, une en Bermuda et l'autre en pantacourt avec des tongs. Alors, c'est vrai qu'il va faire chaud aujourd'hui à Paris. Ça m'a assez amusé d'ailleurs. J'ai dit, allez, encore en vacances avec tong, Bermuda. C'était plutôt sympa. Moi, je trouve ça plutôt marrant. Ça veut dire, peut-on aujourd'hui s'habiller comme on veut au boulot? Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je crois que, effectivement, aujourd'hui, le costard-cravate très strict, c'est peut-être terminé. Mais il faut respecter ses collègues, il faut respecter son patron, il faut aussi respecter ses clients. Et on peut pas arriver n'importe comment au boulot, comme à la maison. Regardez, Jacques Maillot, il a une superbe cravate. Depuis lundi, il vient avec sa cravate. Je change de cravate tous les jours, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, à la limite, ils sont venus travailler en Bermuda ou en pantacourt. Mais Alain, vraiment, tu me fais marrer. Parce pourquoi que hier, on défendait parce qu'il fallait mettre des uniformes à l'école. Et j'étais contre, d'ailleurs, là-dessus. Hein, c'était une position que je trouve, à la limite, réactionnaire. Concernant l'habillement, chacun fait ce qu'il veut. Celui qui veut venir en Bermuda, vit en Bermuda. Celui qui aime bien les cravates et les costards, c'est mon cas. Je change de cravate tous les jours. Alain Soral. Moi, je trouve qu'il y a quand même des petites questions d'hygiène, hein. Moi, j'ai pas envie de voir les poils de bras d'un mec. Il y a un problème de respect. Ses pieds, d'ailleurs. J'ai pas envie de sentir ses odeurs de pieds. Il y a des parties du corps qu'on n'a pas envie de voir chez l'autre, sauf à des moments intimes. Je suis très choqué souvent avec la mode des pantalons taille basse pour les filles quand elles sont assises dans les transports en commun, penchées en avant. On voit carrément le pantalon au ras des fesses, même en dessous, avec le string qu'on devine en train de nettoyer, je vous raconte pas quelle partie, et puis là, souvent les reins un peu velus avec de la couenne qui dépasse genre magret. Oui, bon appétit. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça me coupe un peu, moi je trouve qu'on est allé un petit peu loin. Alors, c'est pas obligé de regarder. Bah si, ça m'interpelle. Bah, le font pour ça d'ailleurs, parce que c'est une mode ça, le string qui se voit sous le pantalon. Ouais, mais c'est trop, quoi. Ouais, mais pour rester sur le lieu de travail, moi je suis pas d'accord avec Jacques Maillot. Quand il présidait Nouvelle Frontière, je suis sûr qu'il donnait quand même des consignes aux hôtesses qui accueillaient le client dans les agences de voyage. Écoute Olivier, j'y suis resté 36 ans, tu peux faire une enquête auprès des travailleurs. Il y avait vraiment un climat de liberté totale. C'était 68 chez vous. Mais exactement, mais je pense qu'en effet, moi j'ai été vraiment un acteur, un petit acteur de 68, et je suis là-dessus, tout à fait sur la ligne de 68. Mais je pense que les gens sont responsables. Lorsqu'il y avait une négociation importante, il y a à la fois des directeurs qui étaient à col ouvert, s'il fallait mettre un costard cravate et même un costard sombre lorsqu'on discutait avec des anglo-saxons, ils faisaient ce qu'il fallait, mais ils le faisaient spontanément. J'avais pas besoin de dire à tel directeur, à tel responsable de service ou à tel salarié, voilà ce qu'il faut faire. Non, moi je veux pas être vieux jeu. Moi je veux pas être vieux jeu. C'est vrai que aujourd'hui le mode vestimentaire a évolué. On n'est pas obligé de venir en costard cravate au boulot, même quand on est un homme de bureau ou j'allais dire même au cabinet du ministre. Moi j'étais pas toujours en costard cravate, mais j'étais pas en Bermuda et en tongo non plus. Oui, mais Karim, Karim, il est tendance. Karim, il est tendance. Il est à côté de moi, costard, superbe et basket. Il est pas tendance, il est très. Alors, est-ce qu'aujourd'hui ça veut dire en gris, en tacada? Non, il est bien habillé. Je suis désolé. Oui, costard, soigné, c'est soigné. Oui, mais avec des baskets. Mais c'est soigné. Ouais. Il y a un problème de goût, c'est que c'est pas la portée de tout le monde d'avoir du goût. Et dans le doute, quand on porte une tenue un peu stricte, on bénéficie de la tradition qui est souvent liée au bon goût. C'est-à-dire que le problème, c'est que c'est très prétentieux de croire qu'on a un look et qu'on a un style. Et surtout quand on a un employé de bureau servile, hein. C'est-à-dire qu'en général, faut être un peu humble. C'est-à-dire que moi, le problème, c'est pas, si les gens avaient tous étaient tous des personnages incroyablement, c'est tous les gens qui étaient des Oscar Wilde, la vie serait parfaite. Mais quand on voit un blaireau servile, gavé de piercing, en short et en tongs pour oublier qu'il est jamais qu'un salarié décérébré, c'est la suprême arrogance. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il essaye de nous exprimer par son look? C'est cacher son insignifiance profonde. J'ai beaucoup plus de respect pour un mec en costard gris ardoise, et qui d'un seul coup me déclame un poème du 8e siècle, parce que c'est ça souvent qui est marrant, c'est qu'on croit que des mecs sont super normaux, et ils ont une personnalité intérieure riche. Et malheureusement, j'ai remarqué, c'est un constat, c'est que plus les gens ont le cerveau plat, plus ils ont un look extravagant aujourd'hui. D'un mot, je serais curieux de savoir justement, vous qui nous suivez là, comment vous vous habillez. Tiens, aujourd'hui vendredi, parce qu'on parle toujours du Friday wear, on s'habille différemment le vendredi. Est-ce que vous avez complètement changé, radicalement changé votre façon de vous habiller pour aller au travail? Appelez-moi au 3216, appelez les grandes gueules, venez en parler dans les grandes gueules, 3216 ou même par SMS, dites-le-moi, vous faites GG comme grande gueule, un petit espace et vous m'envoyez un SMS au 61068. C'est vrai, tout dépend du travail que l'on fait, mais lorsqu'on a un contact avec le public, et moi je pense notamment au service public, lorsqu'on va à la poste et qu'on est reçu par un type en Bermuda avec un Marcel... Ah ça m'est arrivé. Même le facteur sans uniforme, moi j'ai peur de lui confier mon courrier, j'ai peur qu'il se sauve avec. C'est-à-dire que ça rassure l'uniforme. Le facteur, c'est un procès d'intention. On a déjà beaucoup de mal à recevoir le courrier d'ailleurs. Bah, mais d'ailleurs c'est un peu lié. Hein. Absolument, c'est un peu lié. Oui. Depuis le prestige du facteur, c'était aussi l'uniforme du facteur. Le mec, il était quelqu'un dans la cité. Hein, il y a un très beau film comme ça, sur un film allemand réaliste sur un portier d'hôtel à qui on enlève son uniforme et qu'on envoie faire les chiottes parce qu'il est trop vieux pour porter les paquets et qui perd tout son prestige social dans sa communauté. Parce qu'en fait, c'est important dans une société classique que le facteur soit en facteur, le boulanger en boulanger. Moi, je trouve que ce sont des repères rassurants. Le policier avec un uniforme vous rassure alors que le policier... Comment tu peux t'arrêter quand un mec te siffle s'il a pas d'uniforme, quand tu peux savoir que c'est un policier? Est-ce que ce que dit Alain est très vrai, il parle de représentation. On a des modes de représentation dans la société française qui sont difficiles de faire bouger dans certaines corporations. Un policier qui n'est pas en tenue, c'est un policier qui apparaît un petit peu comme un cow-boy. D'ailleurs, moi je vois les jeunes des quartiers par exemple, quand ils voient un policier en tenue, ils auraient plus tendance à le respecter que quelqu'un qui n'est pas en tenue, parce qu'il apparaît comme quelqu'un qui se permettrait des choses un petit peu hors la loi. D'ailleurs, c'est important. J'aimerais faire une remarque. Depuis Alain que l'uniforme des flics a imité l'uniforme américain, pas pourquoi, on est passé d'ailleurs du képi français à la casquette. Et on les appelle lieutenants maintenant. Cette américanisation du flic a créé tout un imaginaire du policier français comme le flic américain de série télé, et a augmenté la violence symbolique du policier de France, en fait. Je pense que quand on voit les films des années 50-60 avec le français avec son képi un peu haut, eh ben il a l'air plus cool. Ouais, en réalité, il a pas l'air très efficace non plus avec son panier. Est-ce qu'il l'était moins? J'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve que intrinsèquement américaniser l'uniforme, c'est rendre plus agressif, parce que société américaine est intrinsèquement plus agressive que société française. Je pense que c'est une erreur politique. Alors effectivement, il y a les uniformes de l'administration en général. On a parlé des fonctionnaires de police là, et puis effectivement, il y a aussi dans la représentation qu'on a un petit peu du mode vestimentaire, la classe sociale qu'on incarne. Et ça aussi, c'est un petit peu évolué en France. Et là, moi, je m'en réjouis. Parce que avant, quand on faisait une certaine profession, si on n'était pas un costard, on apparaissait soit pas sérieux. Et puis, je pense que dans les rapports avec la hiérarchie, ça jouait. Aujourd'hui, on est sorti un petit peu de cette approche-là. Et quelqu'un qui a une tenue décontractée mais correcte, peut être respecté par sa hiérarchie. Le problème, pour quelqu'un de compétent, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, le problème, c'est aujourd'hui, tout le monde est habillé d'une façon décontractée. Donc il y a uniforme. Au journal de 20h, les mecs se permettent pas de venir sans cravate. Alors écoutez, révolution en cette rentrée télévisée. Si, Jacques, ils ont remis la cravate. Ouais. Jacques, ben justement, ouais. Sachez-le. Cette semaine, Christophe Ondelatte, qui présente le 13h sur France 2, c'est le nouveau présentateur vedette de France 2, il l'annonce partout. Il a fait son chemin, dis donc. Il l'annonce partout, il présentera le journal sans cravate. Mais si vous le permettez, ça me rappelle Jacques Lang. C'est normal. Jacques Lang, il y a l'Assemblée nationale. En Colmao. La gauche. Oui, c'est-à-dire que la gauche Colmao, j'aurais préféré qu'il garde la cravate et qu'il fasse une politique de gauche, moi, le PS. Ça, c'est sûr. Mais concernant Christophe, un seul mot, il a jamais mis de cravate. Il va pas se mettre, maintenant il se met à présenter le journal de télé à 13h, bah, il se présente comme il est, d'une manière naturelle. Si je présentais le journal de 20h comme je mets une cravate, je me présenterais avec ma cravate. Alors, avec cette cravate-là, vous risquez pas de présenter le journal de 20h pour que les téléspectateurs mettent des lunettes de soleil, Jacques Maillot, parce que c'est un spécialiste de la cravate qui fait péter les rétines. Mais j'en change tous les jours. La cravate dit fluo. Absolument. Non, mais la cravate, c'est aussi une marque de respect quand on a affaire à une clientèle, entre guillemets, quand on a affaire aux clients, téléspectateurs, C'est ma liberté. Jacques, j'échangerai pas une paire de tongs contre les acquis sociaux. C'est-à-dire que pouvoir venir en tongs au boulot, mais oublier qu'on est souvent en CDD et qu'il y a une pression sociale qui est beaucoup plus forte qu'avant dans le monde de bureau. Ce qui est marrant, c'est qu'on cache sous des petits acquis insignifiants, et d'ailleurs des acquis de signe, comme vous avez le droit de venir en Bermuda, en fait quelque chose, c'est à quel point c'est tendu la vie de bureau à cause du contexte économique. Ce que tu dis, Alain, est important parce que ça, c'est un petit peu les nouvelles politiques de management, entre guillemets, ouais, qui permettent une certaine forme de laxisme, effectivement, dans les rapports humains, mais qui, au détriment des acquis sociaux. Parce que souvent, c'est très pervers, dur, très pervers cette approche-là. Ouais, je voudrais pas qu'il y ait une ambiguïté, c'est pas parce que là-dessus j'ai une position. On en parle tous les jours ici. Je ne cesse de dire qu'il faut des syndicats forts et qu'il faut se battre pour les acquis. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce point. Mais tu es un patron pas ambigu sur cette question, Jacques. Mais tu es assez isolé sur cette question. Je le sais, absolument, mais j'ai jamais été membre du MEDEF. Le tutoiement ne remplace pas la solidarité syndicale. T'es viré, Coco, c'est pareil que monsieur. Justement, on parlait des fringues, on parle maintenant du tutoiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les relations dans le monde du travail, au sein de l'entreprise, ont changé. Il n'y a plus la hiérarchie comme ça, qui était établie entre le patron et l'employé, puisque maintenant, certains tutoient leur patron. Est-ce que ça a vraiment changé, ça? Jacques Maillot, patron. Objectivement, ça a peu changé. Alors, moi, je vais dire, à la fois, il y a des personnes que j'ai toujours vouvoyées. Moi, lorsque j'ai embauché, par exemple, une travailleuse, je la vouvoyais au début, je continue à la vouvoyer. Il se trouve que, par exemple, je prends l'exemple de Nouvelle Frontière, il y a des jeunes qui avaient commencé comme accompagnateurs. Je les tutoyais lorsqu'ils étaient accompagnateurs. Après, ils sont devenus responsables, mettons, de patrons de la zone bassin méditerranée ou travaillant dans le service océan indien. Eh bien, j'ai continué à les tutoyer. Je pense que on met la main sur l'épaule qu'on tutoie. Je pense que, par contre, il y a quand même, sur d'un la feuille côté... de paye, est-ce que ça change? Voilà, exactement. Je crois que l'essentiel, quand même, dans le monde, dans l'entreprise, sont les rapports sociaux. Il y a un mot qui résume bien ça, c'est démagogie. Métier de la démagogie. Alors, attendez, on a dit beaucoup de choses. Je suis complètement d'accord là-dessus. Vous avez dit beaucoup de choses, Alain Soral et Jacques Maillot et Karim Zeribi, sur ce que vous voyez dans le monde de l'entreprise, mais vous savez qu'il y a des personnes qui sont spécialisées, justement, qui vont dans les entreprises regarder comment on évolue, telles que Vincenza, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes cadre consultant. Est-ce que dans les entreprises, aujourd'hui, au niveau vestimentaire, vous avez noté un relâchement ou au contraire, tout va bien, tout le monde a l'uniforme qui correspond à son travail? Tout d'abord, merci beaucoup d'écouter mon intervention. Bonjour à tous. Bonjour, Vincenza. C'est-à-dire que de par mon activité professionnelle, moi j'ai vraiment fait la différence. Je veux presque pousser un coup de gueule parce que je suis originaire du nord de la France. Donc je suis dans l'Hérault depuis plusieurs années et j'ai donc exercé une activité professionnelle dans le Nord où j'ai travaillé pour un club de foot de division 1. Lequel? Allez. Le meilleur. Lens. Le Racing Club de Lens. Voilà. Voilà, donc en fait j'avais l'occasion donc de rencontrer des fournisseurs, enfin des gens qui sont supposés avoir une tenue vestimentaire, je dirais, correcte, puisqu'on rencontre des gens, on se déplace. Et depuis que je travaille dans l'Hérault, j'ai trouvé quand même que les gens ici dans le sud, j'adore l'Hérault, hein, les gens sont très très sympas. Mais je trouve qu'au niveau vestimentaire, c'est terrible. C'est-à-dire, ça dénote quoi dans le sud précisément? On est habillé comment par rapport au nord? En jogging. Dites-moi, Vincenza. Moi qui suis du sud, on est deux aujourd'hui, Karim Zeribi et moi, un Marseillais, un Niçois. Allez-y, Vincenza. Si vous voulez, moi je suis assez étonné de voir, par exemple, un décideur me recevoir avec une chemise sans cravate. Je ne dis pas au mois d'août quand il fait 35 degrés, c'est clair. Mais je veux dire, quelquefois avec vous savez, ces shorts un peu longs, avec des chaussures un peu ouvertes. Je suis assez choquée. Moi, ça me choque. Vincenza, je me sens un petit peu concerné. Vous avez parlé du sud, donc, en tant que Marseillais. Le club de Marseille aussi. Hein. Pardon? Pardon? Elle travaillait aussi pour Marseille. D'accord. Elle a travaillé pour l'OM. D'accord. C'est bon. Elle est supporter. D'accord. Non, moi j'ai une question à vous poser, Vincenza. Est-ce que ça pénalise, selon vous, à la fois le rapport que vous avez avec ces chefs d'entreprise, la qualité du rapport et ce qui peut en sortir? C'est aussi cette question qu'il faut se poser. Est-ce que la tenue vestimentaire a un impact négatif sur votre travail avec eux tous les jours? Ça le décrédibilise parce que je vous expliquais. Moi j'ai suivi des cours de vente récemment, par exemple sur le comportement lorsque vous faites de la prospection phonique. Moi je peux vous dire que quand je ne suis pas habillée, maquillée et mise en condition pour appeler un correspondant au téléphone, j'ai moins de succès. Et ça, j'ai déjà vérifié. Non mais ça c'est très personnel, votre ressenti. Ça veut dire qu'on exige beaucoup plus des femmes une tenue attrayante que des hommes. Non, mais il y a une forme de discrimination là finalement. On ne voit pas une femme arriver en tongs, hein. On est beaucoup moins sérieux, le tutu est là, avec ça. S'il vous plaît, messieurs, Vincenza, allez-y. Je trouve que cet assez crédible quand même votre discours. Vous arrivez, le type il est un peu décontracté, il est. Je trouve que la tenue vestimentaire, même si elle doit pas être, je dirais trop, je veux dire, je demande pas ce qu'il y a, costume trois pièces, mmh. chaussures cirées, qui brille comme un sonneur, comme mon père qui est toujours impeccable. Je veux dire, il est d'origine italienne. Et puis surtout, c'est quand même le premier contact, le contact avec le client, il est visuel avant d'être verbal. Et c'est vrai que déjà, on se fait une opinion qui n'est pas bonne sur la personne avec qui ensuite négocier, discuter. Je voudrais que dans les grandes gueules, on ait un conseiller avisé, s'il vous plaît, messieurs, parce qu'on vous a tous entendu, on nous a tous entendu, et Vincenza aussi. Mais dans les grandes gueules, on va demander ce qu'il en pense. Jean-Charles de Castelbajac, c'est pas n'importe qui, c'est un nom, c'est une griffe. Justement, aujourd'hui, sur le vote vestimentaire au travail, Castelbajac, dans un instant, dans les grandes gueules. Rendez-vous avec nous au 32-7. Tiens, avec un patron, Alain aussi, il va nous dire qu'il se lâche, le directeur de société. Avec les grandes gueules sur RMC, j'en prends plein la gueule. Et c'est pas mon patron qui m'empêchera de les écouter au bureau sur mon ordinateur, sur rmcinfo.fr.